partiront sur le chemin où le ciel bleu des matins conduit au rivage du pays d'amour. Au vent des plaines chante nos joies, car moi je t'aime, alors emmène-moi. Quand tout au bout des lendemains nous arriverons enfin, nous verrons les plages du pays d'amour. Viens mon ami, moi je t'attends depuis par-delà le sable blanc, le soleil et l'océan conduit au